L'homme doit être pénétré de crainte, pratiquer la vertu et offrir des sacrifices pour dissiper les calamités qui les menacent. Mais dans leur ignorance, les hommes du commun crachent contre les étoiles qui coulent pour détourner le malheur. Il est évident qu'ils ne font qu'aggraver leurs crimes. Histoire lorsque l'empereur Hongwu livrait un combat naval à Chen Yuliang, sur le lac Panyangu, Liu Peven regarda les astres et lui dit « Voilà une étoile sinistre qui passe. Changez promptement de bateau. » Hongwu suivit son avis, et peu d'instants après, une pierre lancée par une baliste creva le bateau sur lequel il se trouvait auparavant. Aurait-il pu détourner ce malheur en crachant contre cette étoile? Montrer du doigt l'arc-en-ciel. A montrer brusquement les trois clartés. B. Regarder longtemps le soleil et la lune. Commentaire. Ça le mot chi, un, veut dire montrer du doigt. L'arc-en-ciel, Ongni, 3-4, est formé des vapeurs qui s'échappent des étoiles du boisseau. L'arc-en-ciel rouge et blanc s'appelle Ong, 2. L'arc-en-ciel bleu et blanc s'appelle Ni, 3. On lit dans le livre des vers. L'arc-en-ciel paraît à l'Orient, et personne n'ose le montrer du doigt. Ceux qui le montrent du doigt éprouvent les plus grands malheurs. Confucius ayant achevé le Yao King, ou le livre de la piété filiale, il observa un jeûne sévère. Puis, se tournant vers la constellation du Boisseau, il exposa avec respect les motifs qu'il avait engagés à composer cet ouvrage. Alors un arc-en-ciel rouge tomba du ciel, et se changea en un morceau de jade jaune. Confucius le reçut après avoir fait une profonde salutation. BL apostrophe expression San Kuang, les trois clartés, désignent le soleil, la lune et les étoiles. Ils éclairent le monde par l'ordre du maître du ciel, et répandant en tous lieux leur lumière bienfaisante. C'est leur manquer de respect que de les montrer brusquement du doigt. Histoire autrefois le pays de Xinling fut désolé par la sécheresse. Le gouverneur, nommé Zhang Kong, ayant prié le ciel avec un sincère respect, il vit en songe un esprit qui lui dit « Demain un vieillard entrera avec un parasol par la porte de l'ouest. Pressez-le de prier pour obtenir de la pluie, et le ciel exaucera vos vœux. » La puissance surnaturelle de cet homme vient de son parasol. Le lendemain, le gouverneur envoya un homme à la porte de l'ouest, et lui ordonna d'attendre le vieillard, qui vint en effet. Zhang Kong le combla de présents, et le supplia de prier le ciel pour demander de la pluie. Le vieillard fut effrayé de cette demande, et fit tous ses efforts pour s'en excuser. Mais le gouverneur lui ayant raconté le songe qu'il avait eu, il se vit obligé de céder à ses instances. Il monta sur une estrade, brûla des parfums, et invoqua le ciel. Il jura de se brûler s'il ne pleuvait pas au bout de 3 jours. On entoura l'estrade de bois et de fascines, et on attendit la décision du ciel. Le 3e jour, il tomba une pluie abondante qui couvrit tous les champs d'un pied d'eau. Zhang Kong témoigna sa reconnaissance au vieillard, puis il lui demanda ce que son parasol avait d'extraordinaire. « J'ai 80 ans, lui répondit le vieillard, et pendant toute ma vie j'ai constamment respecté le ciel, la terre et les trois clartés. Lorsqu'en voyage je me sens pressé par un besoin, je me couvre avec ce grand parasol que je porte, pour ne point souiller les trois clartés. On voit par là combien sont coupables ceux qui montrent brusquement les trois clartés. Que les soleils et la lune sont l'image du roi et de la reine. Ils répandent leur clarté sur les quatre mers, sur tout l'empire. Ainsi ils sont dignes de tous nos respects. Lorsqu'un homme se trouve en présence du prince, de son père, ou d'un magistrat, il n'ose lever la tête et les regarder en face. À plus forte raison, ne doit-il pas regarder fixement le soleil et la lune? C'est pourquoi en les regardant longtemps, on manque de la manière la plus grave au respect qui leur est dû. Les hommes qui suivent la doctrine des Taoïstes doivent offrir un sacrifice au soleil le premier jour du deuxième mois de chaque année, et à la lune, la quinzième nuit du second mois. Mais les hommes d'aujourd'hui se contentent d'offrir un sacrifice à la lune. Chassés au printemps après avoir brûlé les broussailles. Commentaire. Le mot Liao, 3, signifie brûler les broussailles des montagnes. Le mot Lié, 4, veut dire chercher les animaux. Si l'on met le feu aux broussailles pour chasser, on brûlera et on fera périr non seulement les animaux, mais même les insectes. C'est pourquoi du temps des anciens rois, chaque chasse avait sa saison. Celle du printemps s'appelait Séou, chercher, parce qu'on cherchait les animaux qui ne portaient pas ou n'élevaient pas leurs petits. Celle de l'été s'appelait Miao, parce qu'elle avait pour but de détruire les oiseaux et les quadrupèdes qui font du mal aux moissons naissantes, Miao. Celle de l'automne s'appelait Sien, tuer, parce que, à cette époque, le ciel et la terre ont une influence meurtrière. Celle de l'automne s'appelait Chéou. À cette époque, on chasse pour prendre les oiseaux et les animaux qu'on doit offrir en sacrifice. Ainsi aucune de ces chasses n'avait lieu sans de puissants motifs. Quant au printemps, c'est la saison où les plantes et les arbres commencent à pousser, où les insectes font et élèvent leurs petits. En ce moment, la nature donne à tous les êtres la vie et l'accroissement. Si nous les faisons périr, nous nous révoltons contre le ciel, et nous détruisons une multitude de ces créatures. C'est le plus grand des crimes. Histoire et Yuyan était gouverneur du district de Yuang. Comme son fils chassait un jour à côté du temple de Qiuwang, il vit sortir tout à coup de derrière cet édifice, trois daims d'une blancheur éclatante. Il tendit aussitôt son arc, et leur lança une flèche, mais ils disparurent au même instant. Alors il mit le feu dans un petit bois où il les croyait cachés, mais quoique le vent soufflât avec violence, le feu, au lieu de consumer le bois, lui brûla la figure et le fit mourir. On voit par là que ceux qui brûlent les broussailles pour chasser, ne manquent jamais d'en être punis d'une manière cruelle. On doit surtout s'abstenir de cette chasse dans les mois de printemps. Proférer des injures du côté du nord. Tuer sans motif des tortues et des serpents. Commentaire. Les mots Wuku signifient sans motif, sans cause légitime. La tortue et le serpent répondent à la constellation du nord, qu'on appelle Yuanwu. Lorsqu'on tue ces animaux sans motif légitime, on s'attire de terribles malheurs. Histoire. Un homme de l'arrondissement de Yocheu prit un jour un grand nombre de tortues dans un étang tari. Il coupa leur chair par morceaux, et transporta leurs écailles à Qiangling, où il en tira beaucoup d'argent. Quelque temps après, tout son corps se couvrit subitement d'ulcères, qui lui faisait souffrir des douleurs inouïes. Il fut obligé de se procurer un grand vase pour prendre des bains. Mais peu à peu le vase prit la forme d'une tortue. Il mourut au bout d'un an, dévoré par la gangrène. Tel fut son châtiment pour avoir tué des tortues. Sous l'une des cinq dynasties appelées Wutai, de 907 à 960, il y avait un jour sur le mont Longshan, plusieurs soldats qui travaillaient dans un jardin destiné à la culture du thé. Ayant aperçu un serpent blanc d'une grosseur prodigieuse, Ils s'armèrent de leurs bêches et le tuèrent. L'un d'entre eux, Nemeyu, leur avait fait des représentations pour les en détourner, mais ils fermèrent l'oreille à ses avis. Le lendemain, une jeune fille vêtue de blanc descendit de la montagne avec un panier de bambou rempli de provisions. Les soldats coururent à elle et le lui enlevèrent de force. Yu fut le seul qui ne prit point part à ce vol. Les soldats étant revenus firent cuire les mets que contenait le panier. Mais tout à coup Yu éprouva un mal de tête et se laissa aller au sommeil. Il vit en songe la jeune fille qui lui dit « Les mets du panier sont empoisonnés, et puisque vous ne m'avez pas fait de mal, je vous avertis de n'en point manger. » Lorsque Yu se réveilla, ses camarades avaient fini de manger tous les mets du panier. Ils moururent au bout de 10 jours. Yu seul n'éprouva aucun mal. C'est ainsi que le ciel les punit pour avoir tué un serpent. En général, on doit s'abstenir de tuer les animaux. Mais cette défense regarde surtout les tortues et les serpents. Il faut en outre les protéger et les sauver lorsqu'ils sont exposés à périr. Liu Yanyi échappa au naufrage pour avoir mis une tortue en liberté. Un homme appelé Sun Qingjin acquit la science des dieux pour avoir sauvé un serpent. Dans tous les temps, ceux qui ont sauvé la vie à des tortues ou à des serpents ont obtenu des récompenses extraordinaires. On voit par là que ces deux animaux sont doués d'une puissance divine. Le dieu qui préside à la vie inscrit toutes ces sortes de crimes, et suivant qu'ils sont graves ou légers, il retranche des périodes de 12 ans ou de 100 jours. Quand le nombre des jours est épuisé, l'homme meurt, et si, au moment de sa mort, il lui restait encore quelques fautes à expier, il fait descendre le malheur sur ses fils ou ses petits-fils. Commentaire. Les fautes et les mauvaises actions de l'homme sont comprises depuis le passage formé des pensées contraires à la justice, page 135, jusqu'à tuer des tortues et des serpents. Mais comme il y a de grandes et de petites fautes, il y a aussi des peines graves et légères qui leur correspondent. Dès qu'un homme a commis quelques-unes des fautes énoncées jusqu'ici, l'esprit du foyer qui préside à la vie les inscrit l'une après l'autre et les punit dans une juste proportion. Si elles sont graves, il retranche 12 ans de l'existence de l'homme. Si elles sont légères, il retranche 100 jours. Et quand la durée de sa vie est épuisée, il l'envoie au sombre séjour. Si après sa mort, il lui restait encore quelques crimes à expier, il fait descendre le malheur sur ses enfants et ses petits-enfants. Tantôt il les fait périr pour le priver de sacrifices funèbres, tantôt il ruine leur maison et empêche qu'elles ne deviennent riches et florissantes. On voit par là que si l'homme fait le mal pendant sa vie, il diminue la durée de ses jours et perd le bonheur qui lui était réservé. Et s'il a commis beaucoup de crimes, une mort prématurée ne suffit pas pour les expier entièrement. Tsetong Tiku disait, Tirekedratin les meilleurs remèdes ne sauraient guérir la maladie que l'homme a contractée par les péchés de sa vie passée. Des biens mal acquis n'enrichissent jamais un homme condamné à la misère. La dépravation du cœur détruit le bonheur de toute la vie. Si vous faites de mauvaises actions, le ciel vous réduira à passer toute votre existence dans la pauvreté. Si vous créez des embarras aux autres, des embarras semblables vous surviendront de toutes parts. Si vous nuisez aux autres, ils vous nuiront à leur tour. Gardez-vous de vous en plaindre ou de vous en irriter. Dans tous les temps, le ciel et la terre ont puni les coupables ou leurs descendants sans se tromper de l'épaisseur d'un cheveu. Cette dernière pensée renferme celle du texte. Il fait descendre le malheur sur leur fils ou le petit-fils. Toutes les fois qu'un homme prend injustement les richesses des autres, les esprits évaluent le nombre de ses femmes et de ses enfants, et les font mourir peu à peu pour établir une sorte de compensation. Si les personnes de sa maison ne meurent pas, les désastres de l'eau et du feu, les voleurs, les fripons, la perte de ses effets, les maladies, la médisance ou les dénonciations, lui enlèvent l'équivalent de ce qu'il avait pris injustement. Commentaire. Le mot chou a indique tous les hommes d'une classe. L'expression th' s'applique à ceux qui emploient leur autorité, leur puissance, pour extorquer le bien d'autrui, à ceux qui le dérobent furtivement, ou l'arrachent de vive force. Le mot qui, neuf, veut dire ici comparer la valeur de deux choses. Le mot temps, 16, signifie donner l'équivalent. Le mot chi, 47, signifie le nombre primitif, la quantité primitive. L'expression tanchi, 43-47, veut dire correspondre exactement à la quantité qui a été prise dans l'origine. Les esprits et les démons observent en secret ceux qui prennent injustement les richesses des autres. Ils comptent et estiment combien d'argent peuvent valoir leurs femmes et leurs enfants. Aujourd'hui, ils font mourir une personne de leur maison, demain ils en font mourir une autre, et peu à peu ils les frappent de mort pour établir une sorte de compensation. Si leur crime n'est point compensé, expié, par la mort des personnes de leur maison, ils éprouvent les désastres de l'eau et du feu, les fripons et les voleurs les dépouillent, ils perdent leurs effets, les maladies consumant leurs richesses, les dénonciations ruinent leur fortune, et ces malheurs continuent à s'absentir sur eux jusqu'à ce que leurs pertes correspondent avec exactitude à la quantité de richesses qu'ils ont prises injustement. Non seulement les esprits ne permettent pas qu'ils jouissent un seul instant de leur bien mal acquis, mais ils leur infligent encore les châtiments les plus rigoureux. Histoire. Sun Qiu était gouverneur adjoint du district de Fufeng. Il avait acquis rapidement une grande fortune en prenant violemment les richesses du peuple. Le général en chef de la province, ayant entendu parler de son opulence, lui demanda 100 boisseaux de perles et 3000 onces d'or. Sun Qiu n'ayant pu satisfaire à sa demande, il le condamna comme coupable de révolte, le dépouilla de tous ses biens, et fit périr l'une après l'autre toutes les personnes de sa maison. Wei Kongkan était gouverneur de Qiongcheu. Un jour, il fit fustiger des charpentiers, et les força de lui donner des pièces de bois d'un grand prix. Quand la durée de ses fonctions fut expirée, il fit construire de grands bateaux, y chargea les pièces de bois avec les richesses qu'il avait amassées, et s'embarqua pour retourner dans son pays natal. À peine avait-il parcouru un espace de 100 lis, que les deux bateaux furent submergés. Lian Shizhou était gouverneur de Qicheu. Après avoir longtemps volé le trésor public et dépouillé le peuple, il s'en retourna sur un bateau chargé de ses rapines. Comme le bateau venait d'aborder au rivage, le feu y éclata subitement et réduisit en cendres tout ce qu'il renfermait. Ting Wei avait été exilé à Chuyai. Quand il fut arrivé au sud de Longmen, près de la boutique de Poenjepo, il fut assailli par des voleurs qui lui enlevèrent tout ce qu'il possédait. Ma Xiang était inspecteur des canaux de Sichuan. Liu Yu s'étant révolté, il se hâta de prendre tout son argent et jeta au fond d'un puits d'ilingo qui pesait 50 onces. Les troubles étant apaisés, il vint pour reprendre son argent, et ne le trouva plus. Qin Yao était affligé d'une lèpre héréditaire, qui avait résisté à tous les secours de la médecine. Ayant appris que Okuei était doué d'une vertu profonde, il alla le consulter. Kuei lui dit : « Il y a dans votre maison un objet acquis par les exploits d'un autre homme, et c'est là ce qui cause votre malheur. » Yo revient chez lui, et interrogea sa mère. « Le rideau de gaz que vous voyez devant le dieu est faux, lui dit-elle, a été enlevé dans le sac d'une ville. » Kenyo se hâta d'offrir un sacrifice expiatoire et rendit le voile de gaz. Sa lèpre disparut au bout de quelques jours. Liu Qi ayant été chargé par l'empereur d'inspecter les palais du pays de Shou, il enleva suivant son caprice une foule d'objets précieux, mais la rumeur publique signala aussitôt ses rapines. Quand il quitta ses fonctions, il fit tous ses efforts pour apaiser les dénonciations qui les poursuivaient. Mais dès qu'il fut arrivé à Saintou, Lo Lingfan l'arrêta et lui enleva de vive force tout ce qu'il emportait. Les hommes que nous venons de citer ont été punis de leur rapine par la mort de leurs parents, par le naufrage et l'incendie, par la violence des voleurs, la perte de leur argent, les maladies et les dénonciations. Lorsqu'ils venaient de prendre injustement les richesses des autres, ils étaient au comble de la joie. Ils ignoraient que les esprits de l'autre monde ne leur feraient pas grâce de l'épaisseur d'un cheveu. Après avoir vu ces redoutables exemples, comment les hommes peuvent-ils persister dans leur funeste aveuglement? Ceux qui font périr des hommes innocents ressemblent à des ennemis qui échangent leurs armes et se tuent les uns les autres. Commentaire. L'homicide est un des crimes les plus graves, et les lois de l'autre monde sont extrêmement sévères sur ce point. C'est pourquoi Taishang, Lao Tzu, y insiste d'une manière particulière. Si un homme en offense un autre par une parole ou par un soufflet, celui-ci songe continuellement à s'en venger. À plus forte raison, celui qui tue un innocent doit-il redouter la vengeance des hommes. Aussi lorsqu'un homme en tue un autre, les hommes ne manquent jamais de le faire mourir à son tour. De cette manière, les homicides sont comme des ennemis qui échangeraient leurs armes pour se tuer les uns les autres. Meng Tzu dit, si vous tuez le père d'un autre homme, les hommes tueront aussi votre père. Si vous tuez le frère aîné d'un autre homme, les hommes tueront aussi votre frère aîné. Ainsi l'on pourrait presque vous accuser d'avoir tué vous-même votre frère aîné. Histoire la quatrième année du règne de Shang-Chi en 1647, un nommé Yu était entré dans le pays de Ngao à la suite de l'armée. Il fut nommé aussitôt gouverneur d'un district. À cette époque, les partis rebelles venaient de faire leur soumission à l'empereur. Un jour, des satellites amenèrent 14 hommes qui avaient de longs cheveux. C'étaient des hommes simples appartenant à la classe du peuple, qu'il ne fallait pas confondre avec les révoltés. Yu les condamna à mort. Dans le même temps, la famille de Yu se rendait dans le pays de Ngao. Elle n'avait plus que 100 li, 10 lieues, à parcourir pour arriver au district dont il était gouverneur. Lorsque des brigands pillèrent tout leur bagage et tuèrent 14 personnes de ses parents. Cet exemple montre avec quelle promptitude, avec quelle justesse, le ciel punit les coupables. On voit des magistrats qui n'apportent point toute l'attention nécessaire dans l'application des peines et qui font périr des hommes injustement, des généraux qui ne savent pas contenir leurs soldats et les laissent tuer des hommes inoffensifs. Des médecins ignorants qui, étant incapables de reconnaître une maladie, donnent imprudemment des remèdes qui font mourir les hommes. Des pères dénaturés qui, n'ayant pas su modérer leur passion, noient leur fille au moment de leur naissance. C'est à ce crime surtout que s'applique la défense de tuer des innocents. Quelquefois un accès de colère, un mot de calomnie, font tuer sans motif un homme innocent. Mais en général, Toute personne tuée injustement trouve bientôt un vengeur. Le châtiment suit de près le crime, et le frappe avec une justesse qui tient du prodige. Celui qui prend injustement les richesses d'autrui, ressemble à un homme qui voudrait apaiser sa faim avec de la viande corrompue, ou sa soif avec du vin empoisonné. Quoi qu'il réussisse pour un instant, la mort ne tarde pas à l'atteindre. Commentaire. L'expression fei, injustement, s'applique ici à ceux qui enlèvent violemment à l'aide d'un stratagème, ou qui soustraient par une ruse cachée, des choses qui appartiennent à autrui. Le mot fou, 10, veut dire de la viande séchée. L'expression les ou fou signifie de la viande sur laquelle l'eau du toit a dégoutté, et dont il est dangereux de faire usage. Le mot chin, 13, est le nom d'un oiseau qui se nourrit de serpents et gagne leur venin. Le vin où l'on a fait tremper de ses plumes est, dit-on, un breuvage mortel. Taishang, Lao Tzu, emploie cette double comparaison pour faire ressortir l'aveuglement de ceux qui convoitent les richesses d'autrui et le danger auquel ils s'exposent. Histoire docteur, nommé Xiang, avait amassé une grande fortune en dépouillant le peuple. Un jour, des voleurs lui enlevèrent tout ce qu'il possédait. Les voleurs étaient au comble de la joie. Ils emportèrent l'argent et le vin de Xiang, et allèrent rendre grâce au dieu du mont Xiao Luishan, dont le temple était situé au milieu d'un lac, à quelques lieues du rivage. Les voleurs allèrent haut de la montagne, offrirent un sacrifice au dieu, et s'enivrèrent, s'imaginant que personne ne pourrait les découvrir ni les prendre. Mais le sacristain du temple et les bateliers coupèrent les cordes qui retenaient la barque et s'enfuirent. Quand les fumées du vin furent dissipées, les voleurs ne trouvèrent plus la barque qui les avait amenés en cet endroit. Ils moururent de froid et de faim au milieu du temple. Ainsi le docteur Xiang se réjouissait de sa fortune, il ignorait qu'elle lui serait enlevée par des voleurs. Les voleurs eux-mêmes se félicitaient d'avoir dépouillé Xiang. Ils ignoraient qu'il mourrait de froid et de faim au milieu du temple. N'est-ce pas la même chose que d'apaiser sa faim avec de la viande corrompue, ou sa soif avec du vin empoisonné? Si votre cœur forme une bonne intention, quoique vous n'ayez pas encore fait le bien, les bons esprits vous accompagnent. Si votre cœur forme une mauvaise intention,